بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue au Cheikh Afkar l'explication du livre Usul Iman, les fondements de la foi, de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. On avait commencé, oui, aujourd'hui c'est la quatrième séance dans l'explication du hadith de la division de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes, 72 en enfer et un groupe au paradis. On a vu précédemment que Monsieur Ismaël Mounir a fait beaucoup d'efforts et s'est efforcé de montrer que ce hadith est faible et inacceptable, alors que c'est tout le contraire et que les savants de la communauté musulmane ont accepté ce hadith de génération en génération. On avait déjà répondu à plusieurs erreurs et ambiguïtés de ce monsieur Ismaël Mounir, des erreurs et les ambiguïtés qu'il a montrées dans sa vidéo sur le hadith de la division de la communauté. Il a propagé énormément d'erreurs, et donc aujourd'hui c'est le quatrième cours, et subhanallah, c'est pas le dernier. Il y a vraiment, vraiment, 13 minutes, beaucoup, beaucoup d'erreurs, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il est important, chers frères, qu'on fasse des efforts pour apprendre notre religion. C'est important que tu apprennes ta religion. Pourquoi ? Il y a certaines personnes, ça fait longtemps qu'ils ont connu la sunna, l'importance de la sunna, mais on a un apprentissage qui est faible. On ne connaît pas réellement notre manhaj, notre voie. On ne connaît pas réellement la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas réellement quelle est cette voie qu'il est obligatoire de suivre. Et donc ce que tu as construit sur plusieurs années, tu t'es fatigué, tu as fait des efforts, mais c'est fébrile, c'est fragile. Je pense que on l'a tous fait, wallahu alam, quand on était enfant, faire des châteaux de cartes. Tu es là, tu viens, tu fais ton château de cartes, tu prends 30 minutes pour le faire, et ensuite il y a ton petit frère qui vient, brrr, en 2 secondes, il a tout fracassé. Eh bien, c'est la même chose. On est là, on construit, et tu as des personnes comme ça qui viennent en 13 minutes, qui démolissent tout. Parce qu'on a fait un château de cartes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une maison avec du ciment, du béton? Pourquoi est-ce que tu ne te fais pas des bagages solides et fermes? Que tu étudies la langue arabe, que tu étudies la science du hadith, le tafsir, etc., etc. Comme ça, lorsque ce genre de personnes viennent avec des ambiguïtés, tu ne te retrouves pas tremblant comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oula, le hadith, en fait, il est faible. Oula. Non. Là, tu restes ferme. Parce que là, on a une bâtisse solide. Et donc, je vous incite tous, oh chers frères, à faire des efforts pour apprendre votre religion. Jazakumullahu khairan. On continue donc. Alors, il dit dans cet audio, M. Ismaël Mounir, le sujet étant lié à la croyance. Et donc, le sujet de la division de la communauté, il nous dit, le sujet étant lié à la croyance. Sujet grave. Donc, on ne peut pas se baser sur ce hadith pour affirmer quoi que ce soit. Car tout ce qui touche aux croyances doit être sourcé sur des textes authentiques, indiscutables. Voilà sa parole. Et donc, lorsque tu entends ça, tu te dis, ouah, peut-être, ouais, ah, on ne peut pas utiliser ce hadith. On a déjà montré hier que le hadith est authentique et qu'il n'y a nul doute En cela, comme l'a cité l'imam Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et en réalité, il faut simplement comprendre les méthodes utilisées par les savants du hadith pour authentifier les ahadiths. Ce que M. Ismaël Mounir n'avait peut-être que pas compris lorsqu'il nous a cité les sept voies qui étaient faibles, selon lui. Et tout ça, on l'a expliqué hier, je ne vais pas le réexpliquer aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on a aussi vu que les savants, comme je l'ai cité tout à l'heure, ils ont accepté ce hadith de génération en génération. D'ailleurs, les savants et les imams de la communauté musulmane ont utilisé ce même hadith, le hadith de la division de la communauté, dans des livres de croyance. Dans des livres qui abordent la croyance musulmane. Contrairement à ce que prétend M. Ismaël Mounir, qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser ce hadith dans la croyance. Et donc parmi nos savants, ils sont très nombreux, parmi nos savants qui ont utilisé ce hadith, qui l'ont cité comme preuve lors d'une argumentation dans des livres liés à la croyance, nous avons le livre « Al-Farqu bayn al-Firaq », donc la différence ou la distinction entre les groupes de Abdul Qahir ibn Tahir, qui est mort en l'an 429 de l'Hégire. Nous avons le livre « Al-I'tisam li-Shatibi », qui est mort en 790 de l'Hégire. Nous avons le livre « Haqiqatu sunnati wal-bid'ah » Li Jalal al-Din al-Suyuti, qui est mort en 911 de l'Hégire. Nous avons le livre Usul al-Iman, les fondements de la foi, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, mort en 1206 de l'Hégire. Nous avons le livre très connu, Mais Ataysu al-Wajawab fil Aqidah, 200 questions-réponses dans la Aqidah. De Al-Hafidh Al-Hakami, qui est mort en 1277 de l'Hégire. Nous avons Tafsir ibn Kathir. Ibn Kathir qui a cité ce hadith dans son tafsir, en s'appuyant sur celui-là. Nous avons aussi Al-Sunnah lil Marwazi, c'est un livre qui aborde la croyance musulmane. Al-Marwazi qui est mort en 294 de l'Hégire. On a le livre Al-Sharia lil-Ajuri. Al-Sharia qui est un livre de croyance. On a le livre Al-Iban al-Kubra, qui est un livre de croyance de Ibn Battah, qui est mort en 287 de l'Hégire. On a Al-Mustadrak lil-Hakim. Al-Mustadrak, un livre de hadith. Al-Hakim qui est mort en 405 de l'Hégire. Il a cité ce hadith dans le chapitre Kitabul Iman, le chapitre de la foi. On parle de la croyance ? Oui, il parle de la croyance. Dans le livre de Sunan Abi Daoud, Abu Daoud qui nous cite ce hadith dans le chapitre Kitab Es-Sunnah. Le chapitre concernant Es-Sunnah. Es-Sunnah, la voie obligatoire à suivre. La croyance, le menhaj. Abu Daoud qui est mort en 275 de l'Hégire. On a Al-Tirmidhi qu'il a cité dans son Jami'a. Quel chapitre? Abwabul Imani an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les chapitres concernant la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la croyance? Oui, c'est le sujet de la croyance. Tirmidhi qui est mort en 279 de l'Hégire. On a aussi parmi nos contemporains, dans les fatawas de l'imam Ibn Baz, mort en 1420 de l'Hégire, toujours dans la croyance. On a aussi le Majmou al-Fatawa et aussi les Rasa'il de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, mort en 1421 de l'Hégire, toujours dans la croyance. Et aussi, qu'il a utilisé dans la croyance, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mort en 128 de l'Hégire. Et beaucoup d'autres, vraiment, yarhamukallah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de savants de la communauté musulmane ont utilisé ce hadith dans la croyance. Et aujourd'hui, on a monsieur donc Ismaël Mounir, dont son cursus scientifique islamique n'est pas connu, Je ne le connais pas moi personnellement. Et il vient se permettre de corriger tous ces imams. Tous, ils ont utilisé un hadith qu'en fait, non, ce n'est pas un hadith qui doit être utilisé dans la croyance. Tous. Subhanallah, l'Ali al-Azim. Et donc, cet argument de M. Ismaël Mounir montre encore la malhonnêteté qu'il utilise lorsqu'il s'adresse à son public, lorsqu'il s'adresse à la communauté musulmane. Car une fois de plus, il a une facilité à cacher et à ne pas citer le travail des savants et des imams de la communauté musulmane qui est contraire à ce sur quoi il est. Vu que tu nous dis que ce hadith n'est pas utilisable dans la croyance, pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tant de savants t'ont contredit aussi et que tu montres que ces savants, ils ont eu tort? Montre-nous qu'ils ont eu tort. Et donc, il est important, chers frères, encore une fois, d'étudier. Deuxièmement, depuis quand on doit avoir des hadiths authentiques que dans la croyance? Parce qu'il nous dit, ce sujet, c'est un sujet de croyance. Et donc, on doit avoir une preuve authentique de manière indiscutable. Depuis quand c'est que dans la croyance? Qui a dit ça? Oh, chers frères, il est important, le musulman doit s'efforcer dans tout sujet, dans tous les sujets de sa vie, il doit s'appuyer sur le Coran et la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit dans le tafsir, dans le fiqh, ou dans le hadith, ou la croyance, ou autre. Ce n'est pas que dans la croyance qu'on utilise les hadiths authentiques, mais dans tous les sujets. Rappelez-vous la parole de nos imams, parmi les imams al-arba, « Iza sah al-hadith, fa huwa madhhabi. » Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. À partir du moment où le hadith est authentique, tu dois le suivre, que ce soit dans la croyance ou autre. Et donc ça encore, c'est encore une méthode qu'il utilise pour essayer de nous faire rejeter le hadith. Et d'ailleurs, oh chers frères, barakallahu fikoum, tous les domaines religieux, en fait, ils touchent un peu à la croyance. Tous les domaines religieux touchent un peu à la croyance. Je vous donne un exemple. Salih, est-ce qu'il m'est permis, là maintenant, de prendre de l'eau, un verre d'eau et de boire? Oui. Et donc, il est permis de boire, de prendre un verre d'eau et de boire. On est d'accord, hein? Personne qui contredit là-dessus. Taïm. Personne ne contredit. C'est bon. Et donc, à partir du moment où tu affirmes qu'il est permis de boire de l'eau à cet instant, ce sujet est aussi lié à la croyance. Pourquoi? Qui l'a permis? Lorsque tu dis « Hadha mubah », Man abahahu, qui l'a rendu licite? Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce sujet est lié à la croyance. Le siwak, qui l'a rendu licite? Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il n'est pas permis de... Donc ici ce sujet est lié à la croyance. Et c'est pour cela qu'on parle d'un sujet aussi, je l'ai abordé hier soir dans Kitab al-Tawhid. Le sujet de ceux qui suivent les imams qui vont interdire ce qu'Allah a autorisé. Et donc ça, c'est lié à la croyance. Le fait que tu aies la ferme croyance que l'eau est licite, tu vas me dire, dans un premier regard, c'est pas de la croyance. Je suis d'accord avec toi, c'est du fiqh. C'est de la jurisprudence. Est-ce qu'il est licite de boire de l'eau? Oui, c'est de la jurisprudence. Est-ce que c'est lié à la croyance? Oui, parce que c'est lié à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu peux faire ça sur tous les sujets de la religion, tu verras que ça remontera toujours à la croyance, à chaque fois. Et donc au final, cette règle qu'il utilise, monsieur donc Ismaël Mounir, montre encore son l'incompétence et son manque de connaissances quant à les règles, la législation musulmane. Ensuite, M. Ismaël Mounir, il continue son argumentation. Il dit, si on prend le fait que ce hadith, on diverge sur son authenticité. Et donc, il revient encore une fois, sur le fait qu'on diverge sur l'authenticité de ce hadith. Et on avait déjà dit quoi par rapport à ça? On avait dit quoi? Le fait de diverger par rapport à l'authenticité d'un hadith. On avait dit, ce n'est pas une preuve. Tu ne peux pas te baser sur le fait qu'il y a une divergence pour rejeter un hadith. On a cité plusieurs exemples par rapport à cela. Et donc, il dit, si on prend le fait que ce hadith, on diverge sur son authenticité, et on rajoute à cela qu'il s'oppose à des croyances établies de manière claire par le Coran et le consensus, il apparaît clairement que ce hadith devient irrecevable. Il apparaît clairement que ce hadith devient irrecevable. Et donc ici, Monsieur Ismaël Mounir, il entame la deuxième étape de sa critique. Après avoir essayé de s'attaquer aux chaînes de transmission du hadith, il s'attaque maintenant au sens du hadith. Il s'attaque maintenant au sens du hadith. Et selon lui, le hadith est contraire au Coran et au consensus. Le consensus des savants musulmans, l'unanimité. Et donc, quelles sont ces preuves? La première preuve qu'il cite, et c'est celle qu'on verra aujourd'hui, les autres preuves demain, inshallah ta'ala, la première preuve qu'il cite, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée pour les hommes, pour les gens. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée pour les gens. Et donc, selon lui, ce hadith, le hadith de la division, contredit ce verset. Comment se fait-il que nous sommes la meilleure communauté et que 72 groupes de cette communauté aillent en enfer ou soient dans le feu et un groupe au paradis? En gros, voilà son argumentation. Le hadith ne s'oppose nullement à ce verset. Car le fait que la communauté musulmane est la meilleure communauté, cela ne veut pas dire que tous les gens de la communauté sont eux aussi des pieux. Est-ce que tous les membres de la communauté musulmane sont des pieux? Personne. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Le Coran et la Sunna nous montrent bien le contraire. Nous montrent bien que dans la communauté, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, les meilleurs des gens sont ma communauté, sont donc ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et donc nous ne sommes pas tous au même degré. Nous avons le hadith de ash-shafa'a, le hadith de l'intercession. Il nous montre quoi ce hadith, les frères? Concrètement, il nous montre quoi? Le hadith de l'intercession, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder pour des membres de sa communauté qui sont rentrés en enfer. Et donc ce hadith nous montre clairement que des membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont rentrés, rentreront dans le feu. Nous avons un autre hadith, une autre narration du hadith de la division. La narration qui est citée dans le recueil d'Ibn Majah, elle nous permet de comprendre un peu mieux ce sujet. Et donc Ibn Majah qui nous dit, selon Auf ibn Malik, marfou'an, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, iftarakat al-yahoud ala ihda wa sab'ina firqa wahidatun fil janna wa sab'ina fil nar. Les Juifs se sont divisés en 71 groupes. 70, donc un groupe au paradis et 70 dans le feu. وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Il y a donc 71 dans le feu et un groupe au paradis. Wallahi nafsi biyadihi litaftariqanna ummati ala 73 firqa fa wahidatun fil janna wa 72 fil nar. Et par celui dont mon âme est entre ses mains, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Il y a donc un groupe au paradis et 72 dans le feu. Qila ya Rasulallah manhum. Il fut dit, ô messager d'Allah, qui sont-ils, ceux du paradis? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a, le groupe. Ça, ce terme-là, on va l'expliquer plus tard, inshallah ta'ala. Et donc, on comprend de ce hadith, chers frères, que de chacune de ces communautés, il y a un seul groupe sauvé. De chacune de ces communautés, il y a un groupe qui est sauvé. Chez les chrétiens, chez les juifs, un groupe sauvé. Chez les chrétiens, un groupe sauvé. Chez les musulmans, un groupe sauvé. Mais quelle est la particularité qu'il y a dans la communauté musulmane? Ils sont plus nombreux. Bon, je veux un truc qui vraiment qui éclate. Hein? Non, ils sont divisés en plusieurs groupes. Plus que les autres. Non. Il nous dit, Ismaël Mounir, ce hadith, il contredit le verset. Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure des communautés. Ici, on voit dans cette narration qu'il y a un groupe chez les juifs qui va en enfer ou qui va au paradis, un groupe chez les chrétiens qui va au paradis, un groupe chez les musulmans. Ceux qui suivent le prophète. C'est l'amour bin ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ça, on va le voir, Inch'Allah. On va y arriver, biznillah. C'est une seule communauté. Ça fait que les musulmans croient au prophète des juifs et des chrétiens, pas l'inverse. Les frères, est-ce que les musulmans rentrent éternellement dans le feu? Non. Voilà. Et donc, la particularité de la communauté musulmane, c'est que les 73 groupes vont au paradis. Les 73, ils vont au paradis. Ça, c'est la particularité de la communauté musulmane. Ils vont tous au paradis. À partir du moment où tu es musulman, tu meurs musulman, tu vas au paradis. Mais le problème, c'est, est-ce que tu fais un passage en enfer avant d'aller au paradis? Voilà la question. Et donc ce hadith, il nous montre que 72 groupes sont des groupes du feu. C'est-à-dire que les adeptes de ces groupes, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala les pardonne. Et cela de par sa miséricorde, parce qu'il pardonne à qui il veut. Mais il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala les châtie. Et il est le juste. Et s'il les châtie, parce qu'ils étaient dans un groupe qui fait partie des groupes du feu, est-ce qu'ils y resteront éternellement? Non. Personne ne dit ça chez les savants. Personne. Les seuls qui resteront en enfer éternellement, c'est qui? C'est les koufars. Et les sectes qui ont des bid'a à Moukafira. Les sectes, les frères, ça c'est important de comprendre. Ismaël Mounig, il étudie ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala. Les sectes qui ont des bid'a à Moukafira, c'est-à-dire des innovations qui font sortir de l'islam, elles ne rentrent pas dans les 73 groupes. Les sectes, Ar-Rawafid. Les Rawafid ne font pas partie des 73 groupes. Pourquoi? Parce que les 73 groupes font partie de la communauté musulmane. Ceux qui ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, on comprend que la communauté musulmane est de manière écrasante la meilleure des communautés. De manière écrasante. Sur 73 groupes, les 73 finiront au paradis, Inch'Allah. Mais par contre, il y a 72 qui passeront d'abord dans le feu. Est-ce que ça, on l'a bien compris, les frères? Ça, c'est important de bien le comprendre. Et donc, la communauté musulmane est la meilleure des communautés. Un autre point, le point que notre frère a cité, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici qu'on est la meilleure communauté, mais il nous montre aussi pourquoi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. Ta'mouruna bil ma'roufi wa tanhauna anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Est-ce que tous les membres de la communauté, ils interdisent le bien, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal? Non. Et donc cette communauté, elle garde cette particularité, le fait qu'elle est la meilleure des communautés. Mais parmi les éléments qui montrent que c'est la meilleure des communautés, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'interdire le blâmable, d'interdire les égarements, de s'efforcer, nous cite les savants du tafsir, et nous sa'di rahimahullah, de s'efforcer de rejeter les égarements qu'il y a dans notre propre communauté. Les égarements qu'il y a dans notre propre communauté. Et donc, cette communauté reste donc la meilleure des communautés, et cela n'est pas du tout en contradiction avec le hadith. Et aussi un point essentiel, comme je l'ai cité tout à l'heure, le fait qu'une personne fasse partie des... Donc, le fait qu'une personne fasse partie des gens du feu, un musulman fait partie des gens du feu, ce musulman ne va pas rester éternellement dans le feu, comme on l'a cité. Mais aussi, le fait qu'un musulman fasse partie d'un des groupes du feu, cela ne veut pas dire qu'Allah il le fasse rentrer dans le feu. Car Allah Azza wa Jalla l'a montré clairement à plusieurs passages de son livre qu'il pardonne à qui il veut parmi ses serviteurs. Il pardonne à qui il veut. Et donc il est bien important, mon cher frère, de bien comprendre les ahadiths. Et comme il dit l'imam al-Albani rahimahullah, à partir du moment où le hadith est authentique, on ne peut pas le rejeter à cause de son sens, si on peut très bien faire le lien entre le sens qu'il y a dans ce hadith et le sens qu'il y a dans les autres hadiths. Et cela est très facilement faisable et compréhensible. Et donc, est-ce qu'on a compris, les frères ? Taïb ? Et donc, à partir de demain, on va aborder les autres versets et hadiths que donc M. Ismaël Mounia a abordé dans sa vidéo de 13 minutes. وفق الله الجميع لما يحبه ورضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.